Qui sont nos terres de l'univers, en toi dans l'essence suprême, assujettis le destin même, que sur nous tes yeux soient ouverts. Qui sont nos terres de l'univers, en toi dans l'essence suprême, assujettis le destin même, que sur nous tes yeux soient ouverts. Sont au secours, c'est lui seul qui de nos années arrête ou prolonge le cours. Oui, c'est lui seul qui de nos années arrête ou prolonge le cours. La douce paix, l'affreuse guerre, et la rosée, et le tonnerre, tout parle de tes puissantes mains.